7-28. Observation, interrogation. Qu'est-ce que c'est? Et qui est-ce? Qui est-ce que c'est? Question. Qu'est-ce que c'est? Réponse. C'est une maison. C'est un œil. C'est la barbe du monsieur. C'est une dame. C'est un chien. Question. Qui est-ce? Qui est-ce que c'est? Réponse. C'est Robert. C'est la sœur de Mireille. C'est Tante Georgette. C'est Madame Rosa.